1, 2, 3, Q. Il y a longtemps qu'on a passé. Que je sois mal justement, mais je t'aime sacrément.